Leçon 4, exercice 48. Exprimer des oppositions. Relier. Exemple. Les uns font du rugby, les autres jouent du violon. Alors que les uns font du rugby, les autres jouent du violon. À vous. Les Européens pratiquent des sports collectifs, les Nord-Américains préfèrent les sports d'affrontement. Alors que les Européens pratiquent des sports collectifs, les Nord-Américains préfèrent les sports d'affrontement. Les films français décrivent des situations. Les films américains les traduisent en action. Alors que les films français décrivent des situations, les films américains les traduisent en action. Les cuisines du Nord privilégient le cuit, le beurre et la viande. Les cuisines du Sud célèbrent le cru, l'huile et le poisson. Alors que les cuisines du Nord privilégient le cuit, le beurre et la viande, les cuisines du Sud célèbrent le cru, l'huile et le poisson. La France accueille 75 millions de touristes. Seulement 5 millions de Français prennent leurs vacances à l'étranger. Alors que la France accueille 75 millions de touristes, seulement 5 millions de Français prennent leurs vacances à l'étranger.